Or, les sept trompettes n'ont rien à voir avec l'église de Nation, parce que la révélation. C'est un institut, le Seigneur qui a dit. Les sept trompettes n'ont rien à voir ni avec l'âge ici de l'église de Nation. Oh, c'est toujours bleu. Ni avec le. Ni c'est pas ni l'église de Nation elle-même. Alors. Les trompettes ne peuvent pas sonner avant que les 144 000 ne reçoivent chacun le sceau de Dieu. Or, les 144 000 ne sont pas parmi les nations. Comme disent les témoins de Jéhovah. Les 144 000, ce sont des Juifs. Mais les sept trompettes, aucune trompette de jugement ne sont achevées. Le seulement de 144 000 ne sont achevés. C'est ça qui se passe d'abord. L'église est enlevée. Dieu envoie les deux témoins. Moïse et Élie à Israël. Ils prêchent d'abord l'évangile. Pendant 42 mois. 1260 jours. Vers la fin de leur ministre. Les 144 000 reçoivent les sceaux de Dieu. Qui dit amen à la vérité. Ils recevront les sceaux de Dieu, le même Saint-Esprit que nous recevons ici. Hein? Il leur fera pleurer des pleurs sincères. Des repentances selon Dieu. Ils en vivront là. Et après leur scellement. Attention, messieurs et dames. Ici, presque vers le milieu ici de la de la 70e semaine de la période de 7 ans. Ici. La sixième trompette. Elles seront déversées successivement. Le premier sonne la première. Deuxième suit. Troisième suit. Quatrième, cinquième, sixième, sixième la trompette. Successivement à cette période. Dès qu'ils voient le scellement de 144 000. Et là-bas, action. Première trompette, deuxième, troisième, et tous les malheurs que contiennent ces trompettes se répandent sur la terre. Successivement. Oh, mes chers amis, la terre sera invivable. Hein? Imaginez d'abord les malheurs que contient la cinquième trompette. Apocalypse 9 là, et puis les malheurs que contient la sixième trompette. Apocalypse 9, deuxième partie. Prenez les deux là, qui s'abattent sur la terre successivement dans la période. Et ça c'est différent de la guerre d'Armageddon. Mes chers amis, des jugements dont Dieu frappera les nations. Alors, après ceci, la période ici, après un petit temps de rallonge, il y a le règne de mille ans qui vient. Le millénium. Et là, Christ reviendra avec nous les enlevés. Comme unique roi de toute la terre. Et il régnera avec nous pendant mille ans. À partir de Jérusalem. Mais nous serons casés où? Dans la nouvelle Jérusalem céleste. Où sera-t-elle à ce moment-là? Elle sera suspendue au-dessus de la Jérusalem ancienne. Elle viendra comme un astronaute là-haut. Avec nous à bord. Avec nous dedans. Et elle sera comme un signe que toutes les nations verront. Du côté du soleil levant. Là où ce signe sera universel vie. Moi j'ai un palais là-dedans. Et je me prépare pour ça. Toi aussi qui a le Saint-Esprit, tu as un palais là-dedans. Nous serons positionné là-haut, au-dessus là-bas, pour exercer le règne de mille ans sur la terre. Nous serons des rois et des reines avec Jésus-Christ, le roi souverain. Alléluia. Amen. Ça vaut la peine de se préparer. Il y a des merveilles qui viennent là. Donc, Jérusalem descendra. Jérusalem est pour tout ça, ça n'a rien à voir avec un kamba. Qui est devenu une malédiction contre vous. Ça n'a rien à voir avec un kamba. Il y a une véritable nouvelle Jérusalem. Jérusalem est pour solo. Elle descendra. Vous voulez lire quelque chose ici? Attendez, mon cher ami. Je veux lire quelque chose dans notre message à propos de cette nouvelle Jérusalem. Oh, mes amis, vous pouvez rater tout ce que vous ratez, hein? Mettons-nous ensemble ici. Dans les questions et réponses du 15 octobre 1961. La réponse est du 15 octobre 1961. La question 167. Veuillez expliquer le corps de Christ. Dans Corinthiens 12, verset 7. Ça ne concerne pas maintenant. Et l'épouse de Christ. Dans Apocalypse 2, verset 9. Ça ne concerne pas vraiment maintenant. Et la nouvelle Jérusalem. Question qui nous concerne. La nouvelle Jérusalem. Est-elle spirituelle ici dans l'Apocalypse? Question. Est-elle spirituelle? Dans l'Apocalypse? La question pour vous. Est-ce que c'est le discernement spirituel de l'Église? Discernement spirituel de l'Église, c'est ça la nouvelle Jérusalem? Maintenant voyons, la dernière question ici était. La nouvelle Jérusalem, réponse paragraphe 201. La nouvelle Jérusalem, est-elle spirituelle? Réponse, non. La nouvelle Jérusalem, est-elle spirituelle? Non. La nouvelle Jérusalem que Jean a vu descendre du ciel auprès de Dieu, ce n'est donc pas le discernement de l'Église. Ça n'a rien à voir avec le discernement de l'Église. Vous voyez, la nouvelle Jérusalem que Jean a vu descendre du ciel, préparé comme une épouse, préparé comme une épouse, qui s'est pour son époux. Elle n'est pas spirituelle. Elle est en physique. Elle est réelle. Elle est solo. Elle descendra effectivement. Solo. Qui dit amen? N'allez-vous pas amen? Et j'ai dit, j'aime beaucoup parler là-dedans. Et Michée, le prophète au chapitre 4, il a dit que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le nu. Il arrivera au temps de la fin. La montagne, la sainte montagne de la maison de l'Éternel sera fondée dans les nuées. C'est ça. C'est de ça que je parle. Elle aura des fondements. Mais là-bas, La parole a sa profonde signification. Et la vérité divine. Pas intellectuelle mais divine. Il faut la prendre à sa vraie place. La pyramide de la maison de l'Éternel sera dressée là-bas comme un signe. Comme un signe de l'Égypte. De ce côté-là. Vous voyez, l'Égypte, c'est le chemin qui a mené jusqu'à Canaan. C'est de l'Égypte que Dieu a pris Israël pour l'amener dans la terre de promesse. À Jérusalem. Vous voyez là? Au-dessus de l'espace de ce pays-là, l'Égypte. Alors la prophétie d'Ésaïe 19, Dieu placera un monument là-haut. Et ce monument de la pyramide appelé la nouvelle Jérusalem. À Jérusalem, à cette montagne de l'Éternel. Elle a une forme triangulaire. Vous avez un lolenge à Misato Boe. Oh. Tu auras le temps où je vais y revenir. Et qu'on aura le temps de lire aujourd'hui la guerre d'Armageddon. On entre dedans, je dois vous assurer que j'aurai abandonné ce sujet. Pour qu'on ne parle pas de l'Empire. Mais retenez qu'elle sera dressée là-haut. Mais après le règne de Mille ans, elle sera maintenant sur la terre. Elle fusionnera avec la terre. Et la forme géographique de la terre changera. Ça, ce sera après le règne de Mille ans. Après la guerre de Gog et de Magog. La guerre finale qui aura lieu après le règne de Mille ans. Appelé Gog et Magog dans les prophéties d'Ézéchiel chapitre 13. Et aussi dans Apocalypse 20, hein, après que les mille ans soient passés, la femme sera relâchée au Il ira rassembler les nations, appelé Gog et Magog. Et après les mille ans, et après cette guerre-là, la Jérusalem sera attaquée. Dans nos positions là-bas, nous allons nous attaquer avec les bombes. Nous sommes des mystiques. Nous prendrons le survol. Cette ville, pendant qu'elle sera la cible des attaques comme ça, elle remontera à nous pour disparaître des regards. Avec nous à bord. Nabiso na pati na yango. Yole yako fana na avion. Mais au baiga pa avion wote. Mais il y a un endroit mieux que l'avion. Je ne sais que la nouvelle Jérusalem. Où il sera bon vivre pour l'éternité. Sala malam ko tout ça tonal bela. Vous voyez kuna ego salaté. Malade est jaté. Kuluna est jaté. Pati na mukongo est jaté. Wako fana na kolobimi ego sala pété. Là-bas, c'est tout est en prêt pour toi. Faites tout d'avoir une réservation. Quand vous faites les réservations de billets d'avion, vous allez réservez-vous une place là-haut. Louange à Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est allé nous préparer cette place. Vous voyez, frère, mais au début du millénium, et pendant tout le millénium, elle sera suspendue au-dessus. La Jérusalem terrestre. Mais après, elle descendra pour fusionner avec la Jérusalem terrestre et dépasser même ses limites. Hein? Les dimensions, les fondations, le carré, et la forme, c'est 2250 km. Donc plus grand que la dimension de la Jérusalem actuelle. Ce qui justifie la prophétie d'Ésaïe d'Israël. Ces grands monuments. Va se planter comme ça. Et c'est plus grand. 2250 km. Prenez le temps de lire la suite de demain. De l'épouse terrestre et de l'épouse terrestre. Les dimensions qui sont données en stade par Jean dans l'Apocalypse, les dimensions ont été converties en kilomètres par les prophètes envoyés comme, avec le message précurseur. Et ça vous fait 2750 kilomètres. Quand mon frère de l'autre bord va traverser, chaque fois qu'il entre, je le vois. gloire, je les vois. Nous aussi, ils me voient. Nous sommes des frères. Il n'y a rien à cacher. Il n'y aura plus de honte. Comme c'est pour vos jardins d'Éden. L'homme, Adam et sa femme, étaient tous de nuit. Mais ils n'en avaient pas honte. Nous reviendrons à ça. Ce vieux système pourri de la vie. Et Le cas de la vie. La nouvelle Jérusalem n'est donc pas spéciale. Elle est physique, réelle, elle est physique. Maintenant, quand le peuple de Gog et de Magog, la guerre de Gog et Magog, sous l'instigation de Satan, les prisonniers relâchés, pour le temps, la ville tremblera de l'ascension. Ils disparaîtront de leur vie. Et leurs avions vont s'affronter entre eux. Là dans l'air. Toutes leurs bombes vont s'achever là-bas. Entre eux. Et maintenant, la masse de feu dégagera toutes ces bombes. C'est ça le feu de soufre dont l'Apocalypse parle. Les temps de soufre et de feu. Le soufre est un produit chimique. Il est contenu dans l'acide de batterie. Nous appelons l'acide sulfurique. Donc vous les apprenants de biochimie, vous avez appris la formule HDSO4. Il y a dedans le soufre. HDS, S là qui est au milieu. C'est du soufre. Et la Bible parle de l'étang de feu. Voyez la toxicité du soufre. En tant qu'élément chimique au départ. Et même quand il entre dans la composition moléculaire. Pour l'acide des batteries. Chaque fois on doit les diluer. Même pour les mettre dans la batterie et faire fonctionner les ions. Faire en sorte que les électrons assument la charge électrique. Et il faut qu'on y mette de l'eau distillée. Vous voyez ce que c'est? C'est un produit très toxique. Si quelqu'un ose le prendre, il est très corrosif. Son œsophage va non seulement brûler, mais il touche le stomac, ça fait tout. Et partout ça part là-bas, c'est des dégâts, des trous à l'envers. Si vous prenez cet acide, vous le mettez dans les yeux. Mais vous perdez la vie pour des morts. La rétine ne pourra plus fonctionner. Elle finira la corrosion immédiate. Même quand il est diluvé. Il demeure très toxique. Maintenant Dieu a annoncé les temps de feu et de soufre. Les bombes chimiques que la Russie possède, que l'Ukraine possède, que l'Amérique possède, que la Belgique possède, que la France n'en parle pas. Toutes ces bombes chimiques là, la composition atomique, au nombre d'entre elles, entre elles, contiennent du soufre. Et c'est le feu qui va former l'état. Et ce feu-là que nous appelons là, l'enfer. Et certains nient. Il n'existe pas encore. Il n'y a pas un étang quelque part. Au moment où nous parlons. Non. Il se déclenchera après le règne de Mila. Maintenant, les pécheurs qui meurent, où vont-ils? Ce n'est pas l'enfer. C'est dans la prison de Dieu. Et la prison, c'est le lieu de tourment. Où les coupables sont retenus à la fin du jugement final. Et ce n'est qu'après le jugement final que les coupables seront jetés dans l'état de Dieu. Voyez, Comuni, lors de la guerre de Gog et Magog, après le règne de Milan, nous avions toutes ces morts qui sont dans la nation voudra prouver sa puissance. Et ça formera un étang de feu et de soufre. Et qui constituera le lieu appelé la seconde mort. Après que les morts ressusciteront tous, au jugement dernier, les coupables seront reversés dans l'étang de feu. Il y a l'enfer. Dieu seul l'éteindra en son temps. Aucun homme ne pourra l'éteindre. Le feu ne pourra pas s'éteindre de lui-même. S'il faut considérer qu'il s'éteint de lui-même, alors il sera un feu éternel. Si on peut tirer une main pour l'éteindre, alors il sera un feu éternel. Mais il y a Dieu seul qui l'éteindra. Que lui seul est l'éternel. Et l'enfer ne sera jamais éternel. Comme les humains pourraient les considérer sous les humains essayeront de l'éteindre, ils ne sauront pas. Ils concluront que c'est un feu éternel. Ils concluront que c'est un feu éternel. Parce que les humains ne sauront pas l'éternel. Et quand ils diront bon, nous avons essayé, on n'a pas réussi. Nous attendons voir s'il va s'éteindre. Tous ceux qui attendront mourront les uns après les autres. Mais son feu continuera toujours à brûler. Et ils tireront à nouveau la conclusion que c'est un feu éternel. Mais écoutez mes amis, Dieu est le seul éternel qui soit. Il ne sera pas Celui qui comprend des amens. Nous lisons la Bible avec des fois l'intelligence humaine. Et le avec des mots d'usage humain. Et la révélation elle est surnaturelle. Alors quand il sort et dit que l'enfer n'est pas éternel, Seul Dieu n'a pas de commencement. Seul Dieu n'aura pas de fin. Dieu qui est le seul éternel, comme il a appris à Israël, comme il a appris à lui, il est le seul éternel. Lui qui est le seul éternel, éteindra ce feu-là. Pourquoi ce feu-là n'est pas Dieu? Parce que Dieu seul restera l'éternel. Vous allez voir. Et au règne de Milan, Zacharie 14, verset 8, l'Éternel sera le roi de toute la terre. Son nom, donc le nom de l'Éternel, sera le seul nom. Son nom. Il sera l'unique éternel. Et son nom sera le seul nom. C'est ce qu'il y aura. Il sera le seul éternel. qu'il soit reconnu et connu. Nous ne l'aimons déjà maintenant. Êtes-vous là? Vous allez voir. Ça, ce qui viendra après le règne de mille ans. Donc, il y a Satan qui sera relâché. Il ira séduire le peuple. Il ira rassembler dans un lieu appelé Gog et Magog. Et qui ramène aux prophéties d'Ézéchiel 38. La guerre de l'estime de Gog et Magog aura lieu. Êtes-vous là? Mais aujourd'hui, c'est la bataille d'Armageddon. Les loups allaient tomber à l'Armageddon. Avant le millénaire. Mais juste après, c'est Élie. Au milieu des 7 années, ils se dessinent là. Regardez. Le Seigneur nous apprend ceci au sujet de la sixième coupe et le fleuve Euphrate dont nous avons parlé. Dans le serment, ta famille. Ta famille prêchée le 8 août 1961. Ta famille, les paragraphes 75 et 76. Ok. As-tu une autre la question? On lit la question. Quelle est la signification quand le fleuve Euphrate dans la Bible? Spirituellement parlant. Oui, le fleuve Euphrate a toujours été un fleuve important. Parce que c'est sur lui que le sixième ange va verser la coupe. Parmi les éléments. Alors, le fleuve Euphrate a toujours été un fleuve important. En effet. Le fleuve Euphrate occupe une place importante dans la vie. D'abord, nous voyons que le fleuve Euphrate nous a versé en plein l'Éden. La Bible dit qu'il traversait en plein l'Éden. Ensuite, nous voyons que le fleuve Euphrate était aussi un fleuve qui traversait directement Babylone. Le même fleuve, le fleuve Euphrate traversait en plein et Babylone. Or, nous voyons que l'ange a versé sa coupe sur le fleuve Euphrate. Et il l'a asséché. Pourquoi? Pour que le roi du Nord puisse descendre. Ne peut pas aller commencer la guerre d'Armageddon aujourd'hui. La barrière c'est quoi? Le fleuve Euphrate dont les eaux coulent encore. Pour que le chemin qui le conduira à la guerre d'Armageddon soit ouvert, il faut que la sixième coupe soit déversée sur le fleuve. Et que le sang de son vieux fleuve périsse. Tant que ces eaux sont là, même Poutine ne saura pas s'agir d'Israël. Est-ce que nous sommes d'accord? Je vous ai dit dimanche passé que nous allons bloquer cette guerre. Aidez-moi à la bloquer maintenant. Bloquons-la davantage bien. Tant que le fleuve Euphrate est là. Nous prêchons la parole que Dieu t'a confiée. Tant que les eaux du fleuve Euphrate coulent là-bas. Poutine, même s'il peut faire quoi, il ne pourra jamais déclencher la guerre. Même s'il a nommé un général qui est nommé cette guerre ne peut pas commencer. Parce que parmi les conditions, mon Dieu grand fleuve Euphrate. Quand tu fais le voyage, tu arrives. Mayango Zakaka, Zonga na Okimia. Armageddon sikoyote. Oyokani? Mayango Zakakuna. Même de l'enseignement, s'il n'a pas l'argent pour aller faire le voyage en Allemagne, aller passer là-bas pour voir les eaux du fleuve Euphrate pour aller en Irak. Vous voyez, là où il y a des sinistres et tout ça. Les terroristes. Les bombes qui explosent. Les chiites. Alors, tu crées même pour la sécurité pour le bail. Prends ne plus que les renseignements, les informations. Renseigne-toi sur le fleuve Euphrate. Tant que les eaux sont là. Pour Armageddon, les lotés. Ça ne fait pas. Il faut que le fleuve là tarisse d'abord. Et je vous annonce, il ne peut pas tarir avant la fin de l'église. Ce qui osa wanasi, au monimai wane bandiko kauka, peut aussi preuve nango que fleuve Euphrate kauki, parce que tu as raté l'enlèvement. Ni yembela les gens à l'enlèvement, on rate à coup sûr, on rate. Polikamoliana et kosalema après l'enlèvement de l'église. Pas avant. Ok. Alors en vous renseignant aussi vérifier. Si vous n'avez pas raté l'enlèvement. Dès que vous avez la confirmation que Maïwane Baliko Kauka. Et Kauki. Et toi qui es sur la terre. Vous avez oublié à l'enlèvement. Qu'est-ce que tu as raté? Et c'est Salema. Il y en a parmi vous qui vivront ce que je vous dis ici. Ceux qui ne veulent pas se préparer à voir le Saint-Esprit. Pasteur David a quand même un enlèvement. Les temps que vous demandez, oh non, Balobaki Abimaki, on avait dit qu'il était, il devait aller en prière quelque part là-bas. On espère, il va revenir peut-être deux semaines. Pendant que vous continuez à vous questionner. Les événements continuent à se succéder. Makambo, vous allez beaucoup d'abondance. Oyoga Karaboye, Euphrate et Kauki, les journalistes annoncent ça. Dès que tu entends ça, parce que l'enlèvement avait déjà eu lieu il y a des années. Et tu vois là. Imagine-toi, tu vas pleurer en quelle langue? Même ta dialecte ne suffira pas pour exprimer ta tristesse. Et nous voyons que l'ange a versé la coupe sur le fleuve Euphrate. Et là, a séché. Pour que le roi du nord puisse descendre. Nous l'avons lu dans Apocalypse 16, verset 12. Et je pense, que ce qui arrivera effectivement. Peut-être que vous voulez spiritualiser ça. Mais vous voulez prendre ça moi. Comment on a fait pour un dégénérant par le bas qui est caoul. Et si caoul est un dégénérant, ça met. Si il y a une pensée, un commentaire à faire, prenons celui-ci. Ce qui arrivera, effectivement. On y est. Ça se fera au temps de la fin. Vous allez maintenant on a souka. Quand ils arriveront à Armageddon, voyez-vous, ils doivent juste traverser l'Égypte là, pour y entrer, juste traverser ce pays. Ils devront traverser l'Euphrate pour arriver là-bas. Voyez-vous, le fleuve Euphrate. Coule aujourd'hui. Nous savons cela. Ah, si quelqu'un a une information contraire, balancez-moi. Nous prenons et c'est Kaouki, pasteur, Balouman, et c'est Kaouki. Ah, c'est que Nabisono se doit rater l'enlèvement. On doit se dire la vérité. Ah oui. Mais moi, je ne peux pas rater l'enlèvement. Non. Je l'ai vu venir et Dieu m'a prévenu. Je l'ai vu Branham ressuscité. Et comment Dieu a disqualifié les Américains. Et quoi ils sont messages? Je vu et je sais que les événements vont se produire. Et par la grâce de Dieu, nous y serons. Par la grâce de Dieu, nous y serons. J'ai la ferme assurance que nous y serons. Ah oui. Nous serons enlevés. Nous ne sommes pas humiliés en vain. Nous ne sommes pas indexés en vain. Nous ne sommes pas haïs en vain. C'est parce que l'esprit de celui qui est venu mourir pour nous est avec nous ici. Et il nous attire les mêmes souffrances de Christ. Vous trouvez des gens qui noyissent sa croix. Mais aïnangaï comme pas possible. Bazali, ma midiangi ba Christ. Mais haineux. Bazali ba tuya koinaka, ba tuna kouina. C'est une semence d'une catégorie. Wanagali mumbosa lo lingi moko. Le Seigneur, il y a des années, avait montré que c'était la semence différente. Qui s'opposerait à la cause. Mais pourquoi quand nous disons cette chose, vous ne comprenez pas. Il y a des années, je vous ai dit que les macomas sont des démons. Mais les gens pensaient que j'étais un extrême. Je l'avais dit à Kisant, je l'ai dit au début. Les macomas que vous voyez sont des démons. Qu'est-ce que Nathalie est devenue? Nathalie comme une ligne. L'avez-vous déjà vu? Les dernières images? Nathalie Makoma? Il y a mais quand ils ont commencé les chansons, on disait que c'était des gens de réveil. Et là, vous comprenez. Quand il y a eu un groupe de Pat Boone, d'Elvis Presley. Qui animé, drainé du monde. Père Branham s'élevait à la chair, il a dit. Elvis Presley. Elvis Presley. Et Pat Boone. Ce sont des démons. Vous allez pas démon. On l'avait traité d'extrémiste. Hein? Laissez les années. C'est ça le malheur des visionnaires. Quand vous voyez les choses loin, vous êtes incompris par vos contemporains. Mais quand vous avez sonné la tête à tourner, si vous n'êtes plus normal, alors que vous dites les choses que Dieu vous montre, pour avertir et préparer quelqu'un de vous. Réveillez-vous du sommeil. Le monde ici est sous la puissance du malheur. Mais Dieu existe et règne. Dieu a ses enfants ici. Avec qui il traite encore. C'est la vérité. Ok. J'irai jusqu'au bout avec les méprisés du Seigneur. Êtes-vous là? C'est ce qui arrivera. Voyez-vous, le fleuve Euphrate coule aujourd'hui. Et bien, les de coule, comment cela? Et l'Amazon en Amérique du Sud. Et le Nil en Égypte. L'Euphrate ici que. Et quel est cet autre fleuve? Et là, il y a deux fleuves là-dedans. Et là, il se dirige là vers l'Éden. Le fleuve Euphrate. Et là, c'est quand c'est grand. Il a frayé une voie pour que cela descende. Frayant une voie pour que le roi du Nord descende. Quand vous lisez Apocalypse 16, verset 12 à 13, on ne cite pas le roi du Nord littéralement. Il est dit qu'il le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve. Son notre tarie pour préparer la voie à qui? Au roi pluriel qui vient de l'Orient. Mais regardez la profondeur de la révélation. Quand le prophète prend le même verset, il vous dit que l'ange a versé sa coupe sur le plat. Pour que le roi du Nord descende. Là il est parlé des rois pluriels qui viennent de l'Orient. Mais le prophète messager vous parle du roi du Nord. Pour qui la voie de l'Euphrate doit être ouverte. Bon, nini, la pelate, que voyez-vous là? Bon, nini, le roi du Nord sera le chef de file. Bon, le leader des rois qui viendront de l'Orient. Et cela est précisément conforme à la prophétie de Ézéchiel 34. Quand il descendra, il aura des peuples à sa tour. Et ces seront les rois de l'Orient. La Corée est dedans. La Chine est dedans. La Le Japon est dedans. Le Pakistan est dedans. Ils seront drainés. Et conduit vers Jérusalem. Et le leader des troupes, c'est le roi du Nord, la Russie. Mais ce chemin est bloqué jusqu'à présent par les eaux de l'Euphrate. Qui dit amen à la vérité. Et moi la vérité, mes amis. Que Dieu nous aide. Voyez, prenant une voie pour que le roi du Nord descende. Maintenant, Branham ajoute à la fin ici, virgule, les rois pluriels. Il est frayant une voie pour que le roi du Nord descende. Le roi. Donc le roi qui vient de l'Orient seront conduits par le roi du Nord. Seront amenés par le roi du Nord. Leurs leaders stratégiques. Pour aller attaquer Jérusalem. Et ce sera après le ministère de deux témoins, Moïse et Élie. Mais pourquoi? Parce que les quatre anges qui se tenaient aux quatre coins de la terre, dans Apocalypse 7, verset 1 et 2, ils ont reçu l'ordre que Dieu tenait point faire du mal ni à la terre, ni aux eaux, ni à la végétation, jusqu'à ce que on a fini le scellement des serviteurs de l'Éternel et le nombre était 144 000. Comme si le sixième ange doit verser la coupe. Selon les indications de la prophétie, il ne peut pas verser sa coupe avant le scellement des 144 000. Comme les jours du fleuve Euphrate ne peuvent pas subir ce préjudice. Avant que les 100 000 soient d'abord suivis. Sommes-nous d'accord? Or les 144 000 doivent être scellés après le ministère de deux témoins. Alors, après le ministère. Donc cette coupe ne peut pas être déversée avant que Moïse et Élie n'aient fini leur mission. Si Dieu amène à la vérité, que cela soit clair et relié à votre témoin. Donc la mer, la terre ne peuvent pas subir du mal. Tout sera d'abord retenu pour que les 144 000 soient d'abord scellés. Oh, gloire au Seigneur. Et ils ne peuvent pas être scellés tant que Jésus-Christ ne soit pas venu d'abord secrètement faire connaître à eux hors des regards des nations. Ils le reconnaissent comme Messie. Et alors, ils seront scellés au Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Nous aimons ça. Maintenant, comme nous l'avons lu dans la 70e semaine de Daniel, les prophètes nous disent ceci. Nous prenons les paragraphes 83 et puis le paragraphe 171 et puis 215. Nous terminons par ça. Paragraphe 83. Maintenant je vais m'arrêter ici un instant pour que vous puissiez savoir sans l'ombre d'un doute, je ne suis pas contenté de ce seul passage-là. Je peux les prendre à travers toutes les écritures et vous prouver que cette portion et que cette une semaine, c'est fréquent. Dans la Bible, je vais le faire ici dans l'Apocalypse, chapitre 11, verset 3. Ces prophètes prophétiseront pendant 1260 ans. Dans la Bible, Mokama, Apocalypse 11, les prophètes prophétiseront pendant 1260 jours. Ce qui est au milieu de la semaine. Donc, les 1260 jours qui équivalent à 42 mois, ça veut dire 3 ans et demi comme la prophétie d'Élie contre la pluie en Israël pendant 3 ans et demi. Cela va tomber à pic au milieu divisé par deux, c'est 3 ans. Il dit ceci maintenant. Les prophètes prophétiseront pendant 1260 jours. Ce qui est au milieu de la 70e semaine. Et après ça, Ils sont rétrochés. Et c'est l'Armageddon. Ils prophétisent pendant 1260 ans. Et après les jours de la prophétie, ils sont rétrochés. La bête qui monte de l'abîme. La bête qui monte de la mer. Leur fera la guerre. Les vaincra. Et les tuera. C'est la Bible. Et quand il le fait comme ça, le prophète vous dit, c'est l'Armageddon qui commence. Avançons. Alors, si c'est bien le cas, encore là, ça fait exactement 30 jours par mois. Alors, ce n'est pas du tout 31 jours. Comme dans le calendrier romain, c'est pas encore 31 jours, les autres comptent 28 jours, ainsi de suite. Non, pour Dieu, c'est exactement 30 jours par mois. Chaque mois, 1260 jours, ça fait 42 mois de 30 jours chacun. Alors, on parlera de 61. Ce prophète, que feront-ils? C'est Moïse et Élie. Il faut entrer en scène. Il faut montrer à ces juifs leur erreur. La première erreur, d'avoir rejeté le Messie quand il est venu la première fois. La deuxième erreur, ce sera d'accepter le pape qui sera en fonction comme étant le pacificateur. Les deux prophètes vont ôter ses voiles aujourd'hui. Jusque là, ce n'est pas encore fait que les Juifs aient accepté le pape comme étant le pacificateur du Moyen-Orient. Mais le temps vient où ils feront ça. Après l'enlèvement de l'Église. Voyez ça? Alors les deux prophètes viendront leur montrer leur erreur. Et c'est à ce groupe de Juifs qui sont là-bas maintenant qui doivent former les 144 000. Et Dieu lancera son appel par ses prophètes. L'esprit d'Élie, partant de l'église de nation, continuera tout droit jusqu'à cette église ici. Qui dit amen? L'esprit d'Élie, partant de l'église de nation, continuera tout droit jusqu'à cette église ici. Or, l'homme qui était loin de l'esprit d'Élie, aujourd'hui, ne plus sur terre. Où se trouve l'esprit d'Élie maintenant? Parce qu'il doit continuer tout droit jusqu'à ce que c'est lui. L'homme qui était loin de l'esprit d'Élie, promis pour le faire de la fin, est déjà retiré de la scène. Mais pour que ceci se fasse, où se trouve l'esprit d'Élie maintenant? Vous n'avez pas de réponse. Je ne vous la donne pas encore maintenant. Vous devez comprendre. Regardez ces choses qu'on vous laisse aussi aller à genoux. Aide-moi à comprendre. Que des fois on les dit et vous ne retenez pas. Avançons. Cet esprit de lui qui est partant de l'église nation. L'esprit de lui partant de l'église nation. Continuera tout droit jusqu'à cette église juive. Vous avez entendu la lecture? J'ai ouvert une parenthèse. Et je posais une question. La réponse n'est pas venue. Je ne voulais pas donner non plus. Je reprends la lecture. Hein? L'esprit de l'île, partant de l'église de nation, continuera tout droit jusqu'à cette église. Et il ira là-bas. Il lancera son appel. Moïse sera avec lui. Alléluia. Amen. Et il prêchera le même message de Pentecôte. Comme quoi ils ont rejeté le Messie. Frère Branham donne 6 coups sur la chaise. Amen. Amen. Et ce sera le même message. Pentecôtistes, et ces juifs leur prêcheront. Et ces juifs, on les haïra au point qu'on les tuera. Et ils furent haïs de toutes les nations. Et au milieu milieu de la semaine. Parce qu'un groupe très puissant de 144 000 s'est élevé au milieu d'eux. Ils avaient le Saint-Esprit. Mes frères, vous parlez de faire des miracles. Eux, ils en ont fait. Ils ont fermé les yeux. Et il ne peut tomber de pluie pendant les jours de leur prophète. Ils ont frappé la terre de plaies. Chaque fois qu'ils le voulaient. Et ils envoyaient des plaies et tout le reste. Ils rendront la vie dure à ses romains. Mais finalement, ils seront tués. Notre Dieu est un Dieu terrible quand il est en colère. Mais souvenez-vous, ça c'est pendant la 70e semaine, alors que l'église est dans la gloire, amen, c'est pendant les soupers de noces. Pendant les soupers de noces au ciel, l'église dans la gloire, les deux prophètes ici sur terre, frappant la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Et ils seront haïs de toutes les nations. Au point que même quand ils seront tués, même le permis d'une nation ne sera pas délivré. Ils vont voir leur corps pourrir à la belle étoile. Mais Dieu les honorera. L'esprit de vie entrera dans ces corps. Amen. Amen. Et ils seront élevés au ciel au regard des nations. Et un grand tremblement de terre aura lieu. Et les 144 000 se révolteront du coup. On a tué les deux témoins. Grâce auxquels leurs yeux spirituels étaient ouverts. Un tremblement de terre. 144 000 soulèvements populaires. Et la bête va commencer à les éliminer par ciblage. C'est là le début de la bataille d'Armageddon. Voyez-vous là? Que Dieu soit béni. Dieu soit béni. Il est bon. Il dit ceci. Par exemple, de chacun. Et observez ces trois prophètes. Quand ils apparaissent. Là. Et au milieu de la semaine. Ils seront retranchés. Comme ça. Bongo. Ils seront tués. Et c'est là que s'engage le combat d'Armageddon. Au milieu de la semaine. Alors ceux qui pensent que la première moitié de la semaine est déjà passée. Où mettez-vous tout ça? Où mettez-vous tout ça, mes amis? Vous êtes venus à chercher des citations ici et là-bas. Vous dites que la première moitié est déjà terminée. Maintenant, le milieu de la semaine dont il est parlé, qui correspond avec l'assassinat de deux témoins. Et les événements qui vont s'enchaîner là. Où mettez-vous ça? Donc, quand vous ne maîtrisez pas la parole, vous allez apprendre correctement. Et vous n'est pas à expliquer les choses que vous ne maîtrisez pas. Soyons humbles. Et au milieu de la semaine, ils sont retranchés comme ça. Et c'est là que s'engage le combat d'Armageddon. Alors Dieu lui-même se met à parler. Alors celui qui se lève et qui se mêle au combat. Le prophète frappe la terre. Et il prêche le nom de Jésus-Christ. Il baptise de la même manière. Et ils font la même chose que le premier père de Pentecôte. Et plusieurs le suivent. Mais ce qui a été réuni dans cette confédération, cette organisation, elle a continué tout droit. Et même la puissance du prophète ne l'a pas brisé. Et ils finissent par dire, on va tout regrouper en une seule organisation. Et il fait entrer quoi? Donc, il fait entrer l'abomination. Le catholicisme romain. Il se répand à l'extrême dans tout ça. Et qui causera la désolation. L'abomination de la désolation, il s'empare de tout. Oui. Ça, ce sont des événements fâcheux qui viennent. Bien mes frères et sœurs, voilà comment commencera la bataille d'Armageddon. Par tout ce que nous venons de montrer. Il faut que le ministère de Deutéronome Moïse et Élisée prendra 1260 jours, 42 mois ou 3 ans et demi. Il faut qu'ils soient assassinés les deux. C'est le phénomène déclencheur. Mais un peu avant ça, il faudrait que le sixième ange verse sa coupe sur le fleuve. Ange à mon tour, et que ces autres tarissent pour préparer la voie à ce que les rois du Nord, prenant les rois de l'Orient, de la Chine, du Japon, la Corée du Sud de Consort, puissent s'embêter et Dieu dit qu'il fera de Jérusalem une pierre pesante pour toutes les nations. Quiconque voudra la soulever sera écrasé par elle, et Jérusalem au final restera à sa place. À Jérusalem, ce ne sera pas délocalisé, ce sera la capitale du peuple d'Israël. Combattra pour Israël et Juda d'abord. Nous voyons dans Zacharie 14 le complément de ce que Dieu fera. Zacharie 14, verset 10 à 13. Tout le pays deviendra comme la plaine de Geba à Rimmon, au midi de Jérusalem, et Jérusalem sera élevé et restera à sa place. Depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la pierre, première porte, jusqu'à la porte des angles, et depuis la tour de Hananel jusqu'au pressoir du roi. N'arrivez pas à lire, oui, c'est le verset 10. Je suis là. Jusqu'au pressoir du roi. Ah, ok. Longwana ndako molaina ananeli kino bikamelo na zino na mokonzi. Très bien. On habitera dans son sein, dans Jérusalem, et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Amen. Maintenant, là où j'attire votre attention, voici la plaie dont l'Éternel frappera tout le peuple qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites de l'air vivant. Et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche pendant qu'ils seront vivants. Écoutez maintenant le verset 13. L'assassine dont je vous ai annoncé ici. En ces jours-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. Grand trouble. L'un saisira la main de l'autre et ils lèveront la main les uns sur les autres. La débandade, la confusion finale dont je vous ai parlé. Voilà l'écriture qui le précise. Donc au départ, ils viendront ligués ensemble. Ils vont déclencher les hostilités. La ville va tomber sous le pouvoir de la Russie. Ils vont déclencher du ménage pendant un temps. Ils vont s'accaparer de toutes les richesses. Mais le partage. Dans la suite, Dieu va semer la confusion pour la part de chacun. Le roi du Nord qui sera en commun accord avec le catholicisme romain. Ils auront un malentendu, les mauvaises nouvelles mobiles. Ils et la Russie va bombarder le Vatican. En 60 minutes, Rome sera rasée de la carte géographique. En 60 minutes, je vous dis ce qui se fera. Dans sa colère, on va pulvériser le Vatican. Et ça ne suffira pas. Il y a quelque part là-bas, comme Daniel a dit, mais il va arriver à sa fin sans le secours d'aucune main. Et le reste des nations seront embrasées. Êtes-vous là? Pendant ce temps, nous aurons achevé notre fête de notre mort. Ensuite, nous allons intervenir dans cette bataille. Quand Dieu va déverser cette plaie ici, nous serons déjà à ce moment. Que Dieu soit béni. Et qu'il bénisse cette vérité prophétique. Dans le cœur des aigles qui peuvent voir. J'ai dit beaucoup de choses, mais retenez une seule maintenant. Jésus revient, soyez prêts à tout événement. Toutes ces choses viendront après l'enlèvement. Mais nous voyons les décors se planter. Et des allusions qui sont faites. Et les grands troubles sont à venir. Et Dieu voudra exterminer les méchants sur la terre. Ne soyez pas parmi les méchants. Soyez parmi les convertis. Rachetez des seigneurs qui reçoivent ce message de grâce. Vous pourrez recevoir l'avertissement. Et ce sépare de la vie de l'incrédulité. Que Dieu vous bénisse richement. Mettons-nous debout pour la prière. Quand on croit seulement numéro 7, quand les rachetés s'y assembleront. Pense à l'enlèvement vers notre maison bénie d'en haut. Quand les rachetés s'y assembleront, combien nous chanterons l'hymne célestant ce dit là-haut. Quand les rachetés s'y assembleront, les rachetés s'y assembleront. Sans comme je est libre des péchés, et des cris, et des chants, dans les rachetés qui assemblés, dans les rachetés qui assembleront. Quelle musique, oh, quel chant retentiront là dans la ville. Chanterons la rédemption, arrive en ce bois. avec ce que nous avons retenu de ce message, que nous avons entendu dans la parole, que chacun s'adresse à Dieu. Lui adresse ses demandes, formule ses besoins. Prions chacun. Nous t'apportons nos prières et supplications. Les besoins que nos cœurs ont formulés. Du mieux que nous avons compris ton évangile. Nous avons besoin de ton royaume. Nous avons besoin de la nouvelle Jérusalem. Nous voulons faire la réservation là-bas. Avoir un beau palais là-bas. Et lorsque les tragédies, les malheurs traversent la terre, que nous soyons partis d'ici. Fais grâce à mon frère. Fais grâce à ma soeur. Je n'ai pas attendre la bataille d'Armageddon. Je ne suis préparé par ce message. Pour échapper à toutes ces choses. Mon Dieu. Écoute la prière de chacun. Après tout ce qui n'est pas prêt. Nettoie le fond intérieur. Nettoie les esprits de nous. De chacun de nous. Faites-nous les images de Christ. Les vrais chrétiens en notre temps. Dieu de grâce, nous les supplions. Change nos cœurs. Ôte toutes les pierres. Ôte la rétrogradation. Ôte le pesanteur du monde. Ôte les liens du péché, Seigneur. Donne la liberté totale. Le vrai salut qui est en Jésus Christ. L'amour de la vérité. Souffrir pour ton nom, d'être humilié pour toi, que nous acceptons cela avec joie, sachant que tu vas nous couronner, tu nous récompenseras. Tu es Dieu, l'unique Dieu. L'unique éternel. Seigneur, fais-nous comprendre les signes des temps. Ne nous laisse pas distraire comme tout le monde. Fais-nous comprendre les signes des temps. Que le temps est très avancé. Plusieurs prophéties sont déjà accomplies. Il reste presque rien. Pour que l'église parte d'ici. Le reste, C'est après l'enlèvement. Comme ceci vient d'être expliqué. Laisse que chacun tire la bonne leçon. Pour sa vie personnelle et qui s'attache à la vérité. Que nous passons au message pur. Sans mélange. Ni falsification. Que cette parole nettoie l'intérieur. Nous rende plus blanc que la neige. Pour être ainsi là au ciel. Lors de l'enlèvement imminent. Garde ton église. Je prie pour chaque frère. Pour chaque âme qui aime la vérité. Qu'il se convertisse. Qu'il naisse de nouveau. Il reçoive le Saint-Esprit. Avant qu'il ne soit trop tard. Au nom de Jésus-Christ. Pense aussi aux malades. Pour les guérir chacun, selon les besoins spécifiques de chacun, pour le grand médecin, qui connaît nos cœurs et nos besoins, que ta main surnaturelle touche les malades maintenant, opère la guérison par ta puissance divine, que le changement s'observe, que le changement commence. Que nos lèvres témoignent. Que nos yeux remarquent. Que nos oreilles entendent. Que tu es Dieu qui guérit toutes ces maladies. Rien n'est impossible à toi. Notre confiance est reposée en ton nom. Prends soin de l'église et conduis-nous chaque jour. De miracle en miracle. De gloire en gloire. Et de puissance en puissance. Que notre foi mûrisse. Que notre position s'affermisse. Que notre amour pour toi augmente chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, ayant foi dans la puissance de Dieu. Il peut nous accorder ce que nous avons demandé.